Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don. Au programme de cette 8e émission, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito sera « Pour qui donne-t-on son sang ?». Ce mois-ci, nous recevons un homme qui est un receveur de dons, il nous témoignera de son expérience et nous finirons bien entendu avec l'agenda du don du mois d'avril. Et tout de suite, le temps de l'actu présenté par Dominique. Le temps du don, le temps de l'actu. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Quelles sont les actualités dont tu veux nous parler aujourd'hui ? Eh bien Christophe, je voulais parler de la dernière assemblée générale des donneurs de sang bénévoles de Meurthe-et-Moselle qui a réuni une petite centaine de personnes à Jarny dans le pays haut du département. On a parlé évidemment du don du sang et du travail des amicales en lien avec l'EFS, les donneurs, mais aussi les élus locaux. La place des élus est toujours importante car c'est grâce aux communes que nous pouvons organiser les collectes dans beaucoup de salles communales, mais aussi les communes qui nous aident pour la communication, la logistique et puis sur les collectes et les manifestations comme les forums des associations par exemple. Mmh. Le comité départemental le répète assez souvent et avec les récentes élections municipales, nous rappelons les liens qui unissent les associations pour le don et les municipalités. L'Assemblée générale, c'est aussi un moment pour faire le bilan de l'année précédente. Moi, j'ai retenu un point très important. Christophe, tu sais jusqu'à quel âge on peut donner son sang ? Oui, c'est déjà le quiz là. C'est jusqu'à la veille des 71 ans. Oui, donc tous les ans, il y a un certain nombre de personnes qui atteignent cet âge. Donc, il y a un flux constant de personnes qui ne peuvent plus donner. Et en plus, chaque année, il y a des personnes qui ne pourront plus donner leur sang pour des raisons médicales. Par exemple, les personnes qui ont eu un cancer, les personnes qui prennent certains médicaments. Et puis, il y a celles qui ont été transfusées. Donc, c'est pour ça que nous cherchons de nouveaux donneurs tous les jours. Et en 2025, il y a eu plus de nouveaux donneurs que de personnes qui ne peuvent plus donner. Ça prouve que nous touchons un nombre croissant de personnes qui vont venir remplacer ceux qui partent. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Et puis, c'est le printemps. C'est le bon moment pour donner son sang. Ouais, ça rime. Oui, les ponts du mois de mai vont bientôt arriver. Et c'est toujours un moment critique pour le sang. Avec ces ponts, les donneurs de sang sont moins libres. Donc, il faut prévoir et donner durant le mois d'avril pour remplir les réserves. Et d'un autre côté, les besoins en sang, eux, ils ne sont pas en baisse. Car au mois de mai, il y a toujours des malades qui ont besoin d'être transfusés. Mais moi, je peux vous proposer un truc sympa à faire si vous bougez durant ces week-ends rallonges. Allez donner votre sang là où vous irez en villégiature. La plupart du temps, les maisons du don sont ouvertes les samedis. Vous y rencontrerez des gens du CRU qui ont sûrement des bons plans à vous conseiller. Et si vous allez dans les collectes organisées par les amicales, vous aurez aussi la chance de goûter à des spécialités locales. Mmh. Donner son sang n'est pas qu'un geste qui sauve, c'est aussi un moment de rencontre et on peut y faire de belles découvertes. Et toi, qui nous écoutes, ton prochain don, c'est pour quand ? Le temps du don, le temps de l'édito. Pour qui donne-t-on son sang ? La question semble simple, et pourtant, elle mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Quand on pousse la porte d'une salle de prélèvement d'une maison du don ou d'une collecte, il n'y a pas de visage en face de nous, pas de prénom, pas d'histoire. Juste une poche, un geste, et ce sang qui circule. Bientôt ailleurs. Alors pour qui au fond ? On donne pour une femme qui accouche, et dont l'hémorragie ne prévient pas. On donne pour un enfant qui lutte contre une maladie grave et qui a besoin de transfusions régulières pour grandir, simplement. On donne pour une personne accidentée, un soir comme un autre, dont la vie bascule en quelques secondes. On donne aussi pour ces patients atteints de maladies chroniques, invisibles, qui vivent grâce à ces dons répétés. Des gens qui, sans le savoir, dépendent de la générosité d'inconnus, comme vous, comme moi. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. On donne sans savoir. Et peut-être que c'est ça la vraie force du don de sang. Dans un monde où tout s'échange, où tout se mesure, où tout se calcule, où tout va vite, donner son sang reste un acte gratuit, anonyme et profondément humain. On ne choisit pas, on ne trie pas, on fait confiance. Quelque part, ce sang va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui ne saura jamais qui vous êtes. Quelqu'un que vous ne croiserez jamais. Et pourtant, pendant quelques instants, vos vies seront liées. Alors pour qui donne-t-on son sang ? Peut-être pour un inconnu, peut-être pour des milliers de personnes, peut-être même un jour, pour quelqu'un qu'on aime, comme mon papa au mois de janvier dernier par exemple, ou pour soi, sans le savoir. Donner son sang, c'est accepter cette idée simple et vertigineuse, mais tellement satisfaisante. Nous sommes tous là, les uns pour les autres. Le temps du don, le temps de l'invité. Cette semaine, dans le temps du don, nous recevons une personne qui va nous témoigner de l'importance de donner, que cela soit en sang, en plasma ou en plaquettes. Bonjour Gérald et bienvenue dans le temps du don. Bonjour Christophe, bonjour Dominique. Bonjour. Merci pour l'invitation et merci à Fadjat de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Gérald, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter à nos auditeurs. Ensuite, je vous ferai jouer un petit quiz. Je vous inviterai à nous exprimer pourquoi c'est important pour vous de témoigner pour le don de sang. C'est OK pour vous, Gérald ? C'est complètement OK pour moi. Allez, on est parti alors. Qui êtes-vous, Gérald de Renaud ? Alors, bah, je suis nancéen, je suis né à Nancy, voilà, donc c'est la ville qui m'a vu naître, et, et j'ai 44 ans, voilà, je suis actuellement sans activité pour m'occuper de ma santé. D'accord. Et je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour me présenter. Je ne sais pas, moi, après, voilà, est-ce que dans votre vie d'avant, vous aviez déjà donné votre sang, par exemple ? Ouais, je l'ai donné, mais trop rarement. Je me rends compte, en fait, maintenant que je suis passé de l'autre côté en tant que receveur. C'était déjà quelque chose que vous aviez en tête, alors, manifestement. Oui, mais en fait, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire par générosité, mais qu'on fait trop rarement parce qu'on est pris par le rythme de la vie, malheureusement. Pour des raisons qui semblent bonnes sur le coup, peut-être, c'est ça ? Ouais, ou c'est inconsciemment, en fait, hein, je pense. Il y a le rythme, métro, boulot, dodo. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas forcément le temps, alors qu'on pourrait trouver le temps si on raisonne. Mmh. C'est vrai. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Gérald ? Oui, j'ai été touché. Je suis déjà très ému. Je suis touché par le texte que vous avez cité, Christophe, parce que voilà, moi, je suis de l'autre côté. J'ai reçu pas mal de poches de sang. Mmh. Et comme vous disiez, à qui on donne ? Moi, je me posais la question aussi de qui je reçois. Merci. Ok. Merci. Avant de poursuivre notre échange, hein, je vais vous proposer tout de suite de jouer au temps du quiz. Et après, on déroulera effectivement sur la suite de l'interview. Le temps du don, le temps du quiz. Allez, je vous pose tout de suite la première question. Ça va être cette fois sous la forme d'un vrai ou faux. Donc, la première question. J'étais malade, je me suis soigné, j'ai pris des antibiotiques jusqu'à dimanche dernier. Puis-je donner mon sang aujourd'hui ? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Moi, je dirais faux. Je dirais faux aussi. Donc, deux faux. Eh ben, bravo, messieurs. Petit complément en info. Donc, effectivement, hein, c'était jusqu'à dimanche dernier. Donc, il y a moins de 7 jours. Donc, pour pouvoir donner son sang, il faut être complètement guéri de toute infection depuis au moins 14 jours avant de faire un don. Et si on prend des antibiotiques, on doit également attendre 7 jours après la dernière prise. Donc ça, c'était le petit complément d'info. On passe tout de suite à la deuxième ? Oui. Je me suis fait tatouer il y a 3 mois et je vais me faire tatouer le mois prochain. Puis-je donner mon sang ? Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Ah, est-ce qu'il y a un piège ? Je dirais faux. Il suffisait de nous écouter il y a quelques mois et oui, on peut donner son sang. Ah, effectivement, la réponse, c'est vrai. La législation a évolué l'an passé et le délai pour donner son sang après un tatouage ou un piercing, il est passé de 4 mois à 2 mois. Donc comme je me suis fait tatouer il y a 3 mois, je peux donner et le mois prochain, on s'en fiche. Après ce don, il repassera 2 mois. Allez, bravo à tous les deux. On apprend des choses, non, grâce à ce quiz, ouais, Gérald. Hein. Vous les aviez, vous, qui nous écoutiez ? Le temps du don, le temps de l'invité. Allez, on retrouve Gérald de Renaud. Donc là, on va parler un peu du après. Après. Donc, après quoi ? je vais vous laisser vous en parler, c'est vous qui en parlez le mieux, Gérald. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi avez-vous reçu des poches ? Dites-nous tout. Alors, expliquez-nous tout ça. En 2022, suite à un virus qui a envahi le monde entier, je suis tombé malade en fait en contractant la Covid-19. Mmh. Et au départ, on pensait tous que c'était un Covid. Et en fait, moi, j'étais très fortement impacté. J'avais perdu 10 kilos en un mois. Et inconsciemment, je pensais que j'avais attrapé une leucémie. Mais en fait, j'étais pas si loin. de ça parce que mes bilans sanguins étaient catastrophiques et j'ai juste monté directement à l'hôpital de Brabois. On m'a fait une ponction de la moelle osseuse et on a détecté en fait une maladie rare destructrice du sang. D'accord. Qui s'appelle HPN et aplasie médulaire. Voilà, c'est en fait il y a deux pathologies. Et donc juste en un mot, HPN ouais. Pour alors sans on va pas forcément retenir, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est hémoglobinurie paroxystique nocturne. Voilà, c'est ce que j'avais dit, je ne vais pas retenir. Quand je disais maladie génétique rare, en fait, et comme il y en a beaucoup, plus des maladies rares maintenant, moi, c'est la particularité, c'est que je suis né avec le message dans mon ADN, avec la possibilité de muter. Voilà, donc en contactant la COVID-19, ça a déclenché cette mutation. Et l'HPN, en fait, a créé un clone, en fait, qui est présent en moi. Et comme j'ai un clone dans le sang, en fait, mon système immunitaire le détecte comme tel, comme intrus, et attaque mon sang. Il croit que c'est un ennemi, quoi, en fait. Il croit que c'est un ennemi, ouais. OK. Et donc, du coup, ça crée ce qu'on appelle des crises hémolytiques et des poussées destructrices de sang, ouais. Okay. Et donc paroxystique nocturne, c'est parce qu'en fait le lendemain matin, je fais pipi en fait dans mes urines, il y a le sang, tout le sang que j'ai détruit. Voilà. Ah oui. C'est d'accord. Par crise, voilà. Et aplasie médulaire, donc il y a une autre pathologie qui est l'appauvrissement de la moelle osseuse. Voilà, comme mon système attaque mon corps, bah, en fait ma moelle aussi s'appauvrit, donc elle génère de moins en moins de sang et voilà. Donc l'idéal, ce serait que je bénéficie d'une greffe de moelle osseuse, mais ce n'est pas tout le temps évident. Voilà, parce que dans la fratrie, on a une chance sur quatre de trouver une donneuse ou un donneur. En dehors de la fratrie, bah, c'est une chance sur 3 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, oui, c'est peu. Hein. Voilà. Donc tout ça pour dire que suite à... Donc ça, c'était... En fait, on vous a détecté ça il y a 4 ans, donc en 2022. Ouais, 2022, hein, 2022 ouais. D'accord. Donc, et ça a été détecté relativement vite? J'ai pas... Oh, ça a mis combien de temps? Bah, en fait, avec le brouillard du Covid, ouais. Ça a mis 4 à 6 mois. Donc 4 à 6 mois sans trop savoir ce qui vous arrivait. Ouais, quoi, en fait. On pensait que c'était un Covid long. Ouais. Ensuite, il a fallu faire le test, le prélèvement de la moelle osseuse. Puis en quelques semaines après, j'avais les résultats. Mais ouais, 4 à 6 mois. Ouais, ouais. Okay. Donc en attendant votre greffe, vous avez été soigné? Oui. Alors, j'ai l'immunothérapie pour le côté HPN, qui est censé calmer les globules blancs qui attaquent le corps. Ça, c'est tous les 8 semaines. Et pour l'aplasie médulaire, comme je n'avais pas de donneur ou de donneuse pour la greffe, on a fait un autre protocole qui s'appelle sérum anti-lymphocytaire. Voilà. On travaille des cellules empruntées à un lapin ou un cheval. Voilà, c'est un sérum qu'on leur ponctionne, qu'on travaille en labo et qu'on donne aux patients. Voilà. Et une espèce de purge qui se fait du système immunitaire, un reboot en fait. Et ensuite, j'ai un traitement en parallèle de médicaments pour calmer les lymphocytes et des antirejets. Voilà. Et en fait, ça fait aussi un reboot de la moelle osseuse. Et là, ma moelle osseuse est en train de se relancer tranquillement. Voilà. Donc, okay. J'ai eu pas mal de poches. Ouais, bah, du coup, oui, j'imagine. Alors, des poches de quoi? Des poches d'hémoglobine, ouais. Quand j'étais en manque de sang, et surtout de plaquettes. D'accord. Voilà, parce que moi, je suis touché par les trois, en fait, le bulle blanc, plaquettes et globules rouges. Et ça, tout de suite, enfin, dès le... Ouais, bah, diagnostic posé. Au début, quand je faisais des crises, c'était de manière ponctuelle, mais qui était de plus en plus rapprochée. Parce qu'en fait, avec la moelle osseuse qui s'appauvrissait, bon, qui produisait de moins en moins de sang, eh ben, je nécessitais de plus en plus de poches, donc de plaquettes ou d'hémoglobine. Et jusque juin 2025, donc okay. Ça fait quand un même peu moins d'un an, ouais. Ouais, un peu moins d'un an, mais de 2022 à 2025, voilà, où j'avais atteint les critères de sévérité pour entrer en fait en chambre stérile, en soins intensifs hématologiques, voilà, où j'ai pu bénéficier du protocole sérum anti-lymphocytaire. Voilà, j'ai passé un petit mois en vacances en chambre stérile. Oui, alors il y a mieux comme de vacances. Hein. Alors, c'est vrai. Alors c'est des poches qui vous ont été transfusés régulièrement, en fait. Ah bah ouais, là, c'est quand j'étais hospitalisé, ou voire même un petit peu avant, c'était tous les deux jours. Ouais, j'avais une grosse consommation de plaquettes ou d'hémoglobine. Ouais. Ou des poches de sang ou des poches de plaquettes, hein, pour faire simple. Et donc, tous les deux jours, il y avait effectivement une transfusion qui était faite. Ouais. Donc ça doit en faire des plaquettes, enfin des poches sur toute cette période-là, sur les 4 années qui viennent de s'écouler. Quoi. Ouais, alors, ouais, actuellement, vous avez encore, vous recevez encore des plaquettes ? Non, là, ça va, je suis stabilisé, mais sauf si, enfin, et puis il se peut qu'un jour je fasse une crise, et là, je me ferai faire une transfusion, mais ouais, je suis sous surveillance, je fais des bilans sanguins régulièrement. Donc là, la prochaine étape, en fait, c'est quoi pour vous ? Bah, c'est de reprendre le cours de la vie. Voilà, c'est ça. Bah, voir jusqu'où ma moelle osseuse va repousser. Parce que là, je suis encore en dessous des minima par rapport au bilan sanguin. D'accord. Voilà, mais je suis hors de danger. Une bonne nouvelle. Dominique parlait d'une greffe de moelle osseuse tout à l'heure. C'est un objet, enfin, c'est une éventualité. C'est comment? Je connais pas bien les critères en fait pour en bénéficier, mais comme j'ai récupéré de la moelle osseuse, maintenant faut voir si la maladie se stabilise ou si je redégénère. Et voilà, il y a énormément de demandes. Mm-hmm. Donc il y a tout un jeu, j'imagine, de chaises musicales, d'attente, etc., pour pouvoir bénéficier de divers traitement, quoi. Donc là, ça va, quoi, en fait. Oui, tout va bien. J'ai peur de plomber un peu l'ambiance, là, mais non, tout va bien. Non. Effectivement, donc, ma dernière question, ma dernière question peut-être, je sais pas si Dominique en aura une après, mais effectivement, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'apporter votre témoignage, Gérald ? Pour exprimer ma gratitude. Voilà, comme vous disiez tout à l'heure, Christophe, quand on donne, on ne sait pas à qui on donne. Et ben, quand on reçoit, on ne sait pas de qui on reçoit. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'occasion de remercier les personnes qui donnent, tout comme j'ai pu le faire lors de votre assemblée générale face à une centaine de personnes. Oui, c'était au mois de janvier, donc à l'assemblée générale des donneurs de sang de Nancy. Donc effectivement, Gérald était intervenu à ce moment-là. Et aussi, je voulais parler d'une chose, c'est que pour moi, il y a comme une sorte de générosité silencieuse aussi, voilà, parce qu'on bénéficie de ces poches là, et en fait, voilà, on en parle aujourd'hui pendant l'émission, mais dans le quotidien, on en parle trop peu. Il y a des campagnes, mais c'est vrai que c'est un petit geste, ce qui prend un petit peu de temps, mais qui peut sauver tout un tas de vies, quoi. Et pour moi, de bénéficier cela, c'est énorme. Bah, je suis encore en vie pour pouvoir exprimer ma gratitude aujourd'hui et je suis énormément reconnaissant de tout un tas de personnes que je ne connais pas, quoi. Et il y a des personnes qui donnent, et c'est toute une chaîne. Il y a des personnes aussi qui œuvrent pour qu'il y ait des personnes qui puissent donner. Bien sûr. Voilà, les bénévoles, les professionnels de santé. Voilà, c'est, enfin, moi, je trouve ça incroyable. Ces personnes-là sont invisibilisées, je trouve. Voilà, donc il faut mettre toutes ces personnes-là en lumière. Eh ben, c'est l'objectif de notre émission, justement, de pouvoir effectivement recevoir des gens, des bénévoles, des professionnels de santé, des malades, des receveurs. Donc, voilà. Alors, j'ai l'habitude de toujours demander un petit mot de la fin pour inciter les gens à venir donner leur sang. Ben, je vais le faire, Gérald. Hein. Qu'est-ce que vous diriez pour que les gens viennent donner leur sang sur les prochaines collectes ? Que ça prend un tout petit peu de temps, qu'on rencontre des personnes extraordinaires et que ça sauve des vies, tout simplement. Merci. Merci, Gérald. Merci. Merci à vous. Le temps du don, le temps de l'agenda. Allez, avant de nous quitter, Dominique, où peut-on aller sauver des vies en avril et devenir de vrais héros ? Alors, Christophe, le mois d'avril est bien chargé pour les collectes et contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais commencer par les confins du département. Ah, tu nous emmènes où, alors ? Alors, allons, oui, le samedi 18 avril, attention, là, c'est le matin de 9h à 13h. Longuyon le 20 avril, Mars-la-Tour le 13, Mexi le 20, Trieux le 24 et Atrise le 30 avril. À Pont-à-Mousson, ça sera le 13 avril et à Nomni le 27. À Dombasle-sur-Meurthe le 13 avril, Damlevière le 22. Invillaujard le 9 avril, Lunéville le 16, Ciré-sur-Vezouze le 28 et Bayon le 29 avril. Autour de Toul, on pourra aller donner son sang à Colombey-les-Belles le 23 avril et à Écrouves le 17. Eh ben, on a fait une belle balade en Meurthe-et-Moselle. Et donc pour ceux qui sont plus proches de Nancy, où peut-on donner ? Eh bien, on pourra donner son sang à Frouard le 15 avril, à Liverdun le 24, Séchamp le 28, et puis on pourra le donner une nouvelle fois au stade Marcel Picot à Tomblaine le 21 avril de 15h à 19h30, et le même jour, à Nancy au Musée des Beaux-Arts de 13h à 18h, je répète, c'est le 21 avril, Tout Nancy donne. Effectivement, c'est une opération Tout Nancy donne le 21 avril à Nancy. Et je le redis pour les étudiants de Polytech, même si le rallye du sang est terminé, ils pourront donner le 29 avril au matin et cette collecte leur est réservée. Alors oui, le rallye du sang se termine le 18 avril. Les étudiants ont jusqu'au 18 avril pour pouvoir donner leur sang et leur plasma pour leur école. Justement, je parlais de plasma. Si je veux donner mon plasma... Et comme tu le sais, Christophe, le plasma, c'est à la Maison du Don, à Nancy, boulevard Lobo, et à Metz, évidemment. Et pour prendre rendez-vous, c'est mieux pour ne pas attendre, et obligatoire pour un don de plasma ou un don de plaquettes, qui sont un peu plus longs, il faut aller sur dondusang.sante.gouv.fr ou sur l'application Don du Sang, sur son GSM, comme disent les Belges. Donc Fadjet aimait jusqu'en Belgique. Merci Dominique. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, c'est le vendredi 1er mai à 12h30, avec un nouvel invité, même si c'est férié.